L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous serez à l'écoute de cette émission, L'apostrophe, l'émission, c'est en effet votre rendez-vous mensuel sur cette antenne de RGB, diffusée le mercredi de 19 à 20h et rediffusion samedi 15 décembre de 9h à 10h, voilà qui est précisé en ouverture d'émission. Aujourd'hui, plusieurs invités autour de ces micros et ici en studio, dans notre radio locale à Cergy-Pontoise. Jean-Joël Le Chapelain, le directeur de l'apostrophe scène nationale qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Antoine Cobès, metteur en scène de Finnegan's Wake de James Joyce. On va en parler au cours de cette émission. Sharif Andoura, vous êtes comédien sur cette même pièce que nous allons évoquer au cours de cette émission. Bonjour à vous également. Bonjour à tout le monde. Enfin, Raphaël Cotin, chorégraphe et danseur pour le spectacle Le Scapulaire Noir. Tout à fait. J'ai pas dit de sottises, j'ai cru que j'avais encore fait une impaire. Bienvenue à vous tous pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre d'un artiste en résidence. Et pour cela, nous avons un petit jingle. Les artistes en résidence. Oui, l'artiste en résidence, c'est Antoine Cobet, metteur en scène pour la pièce Finnegan's Wake que nous allons évoquer au cours de cette émission. Il y aura d'ailleurs un autre rendez-vous en cours de saison qui sera évoqué également dans le cadre de cette émission, mais surprise. Pour l'heure, un spectacle à l'affiche, jeudi 13 décembre, 19h30 et vendredi 14 décembre à 20h30. Tout cela se situant au Théâtre des Louvrets à Pontoise. L'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Alors commençons par peut-être faire connaissance avec vous, Antoine Cobès. Je vous promets, je ne vais pas refaire toute votre carrière artistique, si ce n'est quand même, si on remonte dans le temps rapidement, 1985, c'est votre première mise en scène avec Le pupille veut être tuteur, une pièce de Peter Handke. Vous l'avez en souvenir, cette pièce ? Ah oui, évidemment que je l'ai en souvenir. C'est un texte assez étonnant, très particulier, qui n'est composé que d'une immense didascalie. C'est-à-dire que les deux personnages qui jouent sur le plateau ne disent pas un mot. Et Handke a décrit toutes les actions de ces deux personnages, pupille et tuteur, maître esclave. Et il y a un chat, je me souviens, qui se balade et Peter Handke dit « Le chat fait ce qu'il veut ». D'autres auteurs sont venus à votre rencontre, ou l'inverse, plus précisément, ce homme de théâtre que vous êtes, vous avez découvert Gorky, Shakespeare, Heiner Müller, Sophocle, Tchekhov, Claudel, Brecht et bien d'autres, mais aussi un certain James Joyce dont il va être question aujourd'hui, mais cette fois-ci c'était avec une autre pièce, le monologue de Molly Bloom. Oui, le monologue de Molly Bloom, c'est la clôture d'Ulysse, le livre qu'il a rendu célèbre en 1922, et c'est le dernier chapitre d'Ulysse, et c'est la pensée d'une femme réveillée par son mari ivre à 4h du matin. Elle n'arrive pas à se rendormir, lui il s'endort parce qu'il est complètement ivre, et elle pense à toute sa vie. C'est 40 pages sans ponctuation, 4 phrases, et qui disent toute la vie de cette femme qui va de ses premières amours jusqu'à aujourd'hui, des règles qu'elle vient d'avoir, de la cuisine qui est sale, dégoûtante, dont la porte s'ouvre toute seule, de son amant qu'elle vient de rencontrer, qu'elle vient de retrouver, etc., etc. Et c'est absolument magnifique. Ça se termine sur le dernier mot d'Ulysse, c'est « oui ». Je veux bien « oui ». Alors, une première rencontre avec l'écriture, l'univers et davantage encore, j'imagine, de James Joyce, ce qui va donner à parler de cette création qui va être présentée cette semaine ici à l'apostrophe, à Cergy-Pontoise, Finnegan's Wake. Mais avant d'en parler, cette rencontre, quel rapport, quel sentiment vous a-t-il laissé à la première lecture, James Joyce ? De l'ensemble de son œuvre ? Oui. Oh bah je sais pas moi, bah ça m'a un peu intéressé. Non, c'est un inventeur de langage, donc Ulysse et le monologue de Molly Bloom, ça a été la porte d'entrée pour moi dans cette œuvre-là, et me rendre compte aussi que ce qui est donné comme littérature, en tout cas pour le monologue de Molly Bloom, se transforme très vite en théâtre, et que cette pensée intérieure de cette jeune femme à 4h du matin dans son lit, interprétée, incarnée avec la chair de la comédienne, le texte prend une ampleur qu'il a certainement à la lecture, mais une autre ampleur, un autre visage, une autre couleur. C'est ce qui se passe, c'est ce qui m'a tout de suite beaucoup impressionné dans Finnegan's Wake, qui est donc un peu différent comme œuvre, puisqu'il commence ça juste après l'édition de la publication d'Ulysse, et il va mettre 17 ans à écrire cette œuvre-là, 17 ans, mais 17 ans tous les jours, à écrire cette œuvre-là, c'est 900 pages, où il se met en tête, en gros, d'écrire l'histoire de l'humanité à travers une figure, Finnegan, à travers l'histoire donc d'un maçon irlandais à Dublin, qui se casse la figure de son échelle, parce qu'il était un peu envahi par sa libido à ce moment-là, et qui meurt, comme traditionnellement c'est le cas en Irlande, encore aujourd'hui. Le corps, la dépouille de Finnegan, est emmenée dans un cabaret, on allonge le corps sur une table, et toute la famille, les amis, etc., font la fête, dansent et chantent toute la nuit avant qu'il soit enterré. Pendant cette nuit-là, comme Finnegan était un bon petit gay au travail, ses amantes s'engueulent autour de lui, sa femme est très mécontente et s'ensuit une bagarre, et la bagarre provoque l'éclatement d'un fût de whisky. Quelques gouttes de whisky tombe dans la bouche de Finnegan. Finnegan ressuscite, se réveille en disant « c'est trop bête de gâcher du bon whisky ». Voilà. Et c'est une chanson, c'est une ballade irlandaise, et qui se termine, dont le refrain se termine par « qu'est-ce qu'on se poile à la veillée funèbre de Finnegan ». Voilà, pour vous donner un petit peu l'atmosphère qui règne dans l'œuvre. Joyce se saisit de cette ballade, de cette histoire-là, c'est une ballade du 19e siècle, et il se met en tête de raconter cette histoire-là, donc mort, résurrection, Finnegan réveillé va se balader au-dessus de Dublin, son ombre va épouser les contours de la ville, le fleuve, la Liffey qui traverse Dublin va devenir la femme, l'emblème de la femme, et petit à petit, en 17 chapitres, toute l'histoire de l'humanité. Alors, on passe d'Abel et Caïn, et j'en passe et des meilleurs. Il y a 72 langues qui se retrouvent dans l'écriture de Finnegan's Wake. Il y a un chapitre qui n'est composé qu'avec 4000 noms de fleuves que Joyce a pris et a inscrit dans son texte. Bref, il est question de tout, à peu près. On se balade de mythe en mythe, du mythe de la résurrection d'Osiris et Isis en Égypte ancienne, etc., etc. C'est une œuvre fleuve, et quand on la lit, on n'y comprend rien. Parce que beaucoup de langages se mêlent, et donc on a le sentiment d'être devant une œuvre extrêmement mystérieuse, mais en même temps, elle nous porte, elle nous transporte. On ne peut pas lire ces 900 pages dans la même nuit. Joyce disait, c'est une œuvre faite pour un insomniaque idéal qui, l'ayant fini, serait obligé de retourner à la première page, parce que la dernière lettre, le dernier mot de Finnegan's Wake, c'est « the », L apostrophe, et le premier mot de Finnegan's Wake, c'est ce qui fait suite à cet article-là, « the ». Voilà. Eh bien, on savait Antoine Cobet passionné, mais là, c'est davantage encore par cette histoire, effectivement. Certains ont dit que c'était certainement le livre le plus difficile au monde pour les lecteurs qui se sont plongés dans cette lecture. Pour vous, ça a été un véritable défi, j'imagine, que de se monter ce texte au théâtre. Parce que, est-ce que c'était un texte fait pour le théâtre au départ ? Pas du tout. Absolument pas. Sinon que Joyce, qui a été très très attaqué lorsqu'il écrivait ça, parce que personne n'y comprenait rien, on lui disait « vous êtes devenu complètement sénile ». Joyce, c'était le grand écrivain du XXe siècle. Dans les années 30, il est connu, hyper connu, reconnu par tout le monde, au-delà des frontières. Et lorsqu'on l'attaquait beaucoup, on lui disait « vous êtes complètement sénile, c'est un échec littéraire, pourquoi écrivez-vous ça ?» etc., etc. Et bien, il répondait « ah, vous n'y comprenez pas grand-chose quand vous le lisez. Eh bien, écoutez, vous ne devriez pas le lire, vous ferez feriez mieux de l'entendre. Il disait, ça n'est même pas écrit en anglais, ça n'est pas écrit du tout, c'est fait pour être écouté et regardé. Alors que ça, c'est une lettre qu'il envoie à Harriet Weaver, qui lui donnait de l'argent. Donc elle était elle-même un peu étonnée, elle disait, mais j'y comprends rien, votre truc. Il disait, mais c'est pas grave, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être écouté et regardé. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on va essayer. Et ben voilà, on a essayé. On s'est limité au premier chapitre tout de même. Alors, voilà, on a essayé avec Sharif et puis on s'est quand même bien amusé. Alors pour se retrouver dans ce qui pourrait sembler être une histoire fleuve, comme vous le dites assurément, mais qui pourrait nourrir beaucoup de confusion, j'imagine que le metteur en scène que vous êtes s'est donné quelques intentions théâtrales, en particulier effectivement de défendre une certaine exigence malgré tout de l'œuvre. Alors ce travail autour des langues, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de langues. Comment... 72. Comment se retrouver et comment traduire cela sur scène à l'occasion de ce Finnegan's Wake présenté ici à l'apostrophe ? Oh bah alors par exemple, vous parlez des langues. Alors on a beaucoup travaillé sur des sons. Et Valérie Baïssa, qui s'est occupée du son, par exemple, a enregistré des phonèmes et des mots très simples, ou simplement enregistré des alphabets différents, cyrillique, etc., etc., et leur diction. Et à un certain moment dans le spectacle, par exemple, au moment où Sharif découvre que sous le sol, il y a les traces des autres langages, des autres écritures, eh bien, à travers toute la salle, se déploie comme ça une myriade de sons qui évoquent donc d'autres langues, d'autres alphabets et d'autres histoires, d'autres mémoires de la littérature. Par exemple, c'est un biais comme ça en sensation théâtrale que Sharif évidemment déploie et épanouit qui rend compte par exemple de cette histoire de polyphonie. Par exemple, je sais, pour avoir lu quelques propos à votre sujet, et y compris dans les critiques de presse qui ont suivi la présentation déjà de ce spectacle, que vous mettez en exergue une phrase que l'on doit à Claude Nougaro quand vous parlez de ce spectacle. Vous l'avez en mémoire, cette phrase de Nougaro ? Et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Ah ben parce que ça dit très exactement ce que ça raconte, à savoir que la voix des morts, la voix de la mémoire est celle qui advient par le théâtre et par celle de Sharif. Le choix de cet acteur dont on va parler, s'il va même parler sur cette antenne, Sharif Andoura, puisqu'il est notre invité, le choix de l'acteur d'abord. Alors là, c'est une histoire un peu... longue, je vais vous la faire courte. J'ai eu l'honneur de faire partie du jury qui, il y a bien longtemps, faisait entrer Sharif à l'école du TNS. Et en regardant Sharif, et je souris parce que je me souviens très bien de ce qu'il faisait, ça m'a déjà fait rire, il y a je sais pas combien de temps, 15 ans, sur le plateau à l'audition qui allait le faire entrer au TNS à Strasbourg. Et dans ma tête, en le regardant, je me disais, tiens, c'est un type comme ça qu'il faudrait pour jouer Finnegan, voilà. Donc quand il en était à nouveau question, je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai vu depuis 15 ans, je l'avais vu une ou deux fois ou un peu plus sur le plateau, mais je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai appelé et puis voilà. Et puis il a bien voulu le faire, ce qui n'était pas une mince affaire. Alors, 15 ans plus tard, me voilà. On a bien compris qu'au niveau du texte, il y a de la densité assurément, mais que cela doit passer aussi par le jeu d'acteur. Si vous ne comprenez pas, lisez donc à voix haute, vous verrez, ça ira mieux, ça ira beaucoup mieux. C'était un des conseils donc donnés par James Joyce pour s'emparer et partager ces 17 chapitres. Vous, au théâtre, vous en avez saisi le premier, c'est ça. Alors, pour faire original. Tout à fait. Alors, justement, comment un acteur comme Sharif Andoura se saisit lui-même à son tour de ce texte, avec, on va parler du travail du metteur en scène aussi, dans votre rencontre avec Antoine Cobet. Mais d'abord, la première fois qu'on vous a proposé de mettre en bouche ce texte. Alors la première fois qu'Antoine m'en a parlé, c'est un texte que je n'avais pas lu. J'avais commencé Ulysse et puis j'avais eu des bonnes raisons d'interrompre ma lecture, un peu comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que je ne comprenais rien, mais en même temps, j'ai voyagé énormément et parfois d'une phrase à l'autre, un peu comme dans certains rêves où vous êtes dans un endroit très précis et puis l'instant d'après, vous tournez la tête, vous avez changé complètement de paysage, les gens autour ne sont plus les mêmes. J'avais comme ça, j'ai lu quelques pages et j'ai vraiment fait un voyage extraordinaire. Et du coup, j'ai rappelé Antoine en disant, écoute, je n'y comprends pas grand-chose, mais j'adore. Et puis, quand on a commencé le travail, on s'est penché un peu sur tout ce qui... Enfin, moi, j'avais lu pas mal de choses autour. Alors après, on s'est rendu compte que c'est un texte qui avait passionné aussi, par exemple, Lacan. Et Lacan parlait du désir de jouissance. Alors évidemment, c'était un peu ses obsessions à lui aussi qu'il cherchait dans ce texte. Mais moi, ça m'a renseigné sur une idée de plaisir. C'est-à-dire, je trouve que c'est un texte. Alors, c'est en ça que Joyce me touche beaucoup. C'est que, à la fois, c'est très savant. Il y a énormément de langues. On sent qu'il invente des mots. On sent qu'il a une connaissance de toutes les civilisations très forte. Et en même temps, derrière tout ça, il y a beaucoup de plaisir. Alors, le plaisir de dire ce texte, de le mâcher, un peu comme un plaisir qui serait un peu... Rabelaisien, quoi. Pour moi, c'est vraiment lié à la chair, pas dans le sens christique, mais dans le sens de ce qu'on a à mâcher. Et puis un plaisir aussi parce que Joyce est quand même assez blagueur. Alors parfois, il fait des blagues de très bon goût, parfois des blagues de mauvais goût. Mais je trouve qu'il y a un côté comme ça, joueur et assez potache même parfois, qui m'a beaucoup amusé. C'est-à-dire l'alternance entre des passages comme ça très très beaux, un peu mélancoliques, et puis des passages très potaches, très, très blagues de fin de bar. Moi, j'aimais beaucoup ça aussi. Voilà. Alors, on va voir si je vous prends sans vous avoir prévenu, mais peut-être qu'il y a un petit extrait comme ça que vous pourriez mettre en bouche et partager avec nos auditeurs. Avant cela, le temps de la réflexion, je lisais à votre propos et aussi en rebond avec ce texte et l'interprétation. Une fête de mots en état d'ébriété, en état de suspension, vive la langue libre. Pour ceux qui ont pu déjà assister à cette présentation, on vous décrit comme un arlequin gaélique, clown sur la piste, demi-mondain, garçon de pub, préposé à la pompe à bière. Ça nous donne déjà aussi un peu une certaine idée de l'état d'esprit qu'il peut y avoir sur scène. Est-ce qu'il y aurait un petit extrait un peu qui pourrait nous donner à entendre cette langue et cet état d'esprit qui était celui de James Joyce ? Comme ça maintenant, là ? Oui. Allez. Finnegan, le constructeur, Statoder de sa main, maçon des hommes francs, habitait la plus grande rue qu'on puisse imaginer en son vieil habit rutilant, trop retiré en couleur pour y recevoir des messies. Et pendant de nombreuses années, cet homme, d'oiseau, de ciment et d'édifice, entassa imagifice, sur les rives d'hameaux torpeurs pour ses fois habitants, comme dit la chanson. L'avait une petite fifée Annie, petite créature qui lograit, avec une chevelure inonde que t'y prendrait ta source. Souvent de fois balbutiant, la mitre en avant, sa bonne truelle en pogne et affublée d'un bleu véroleux qui l'ensemenchait habitaculièrement, tel Arun Childéric Debert, il caligulait par multiplicable altitude and maltitude, jusqu'à voir se balancer à la lumière son doublin où l'était né, son vieux clocher à tête ronde qui se dressait dans sa maçonnerie nudement charpentée, garantie pure Joyce. Merci de vous être prêté à ce petit jeu radiophonique, finalement, d'extraire un moment comme ça du spectacle qu'on recommande chaudement aux auditeurs d'aller voir sur scène. Jeudi 13 décembre 19h30, vendredi 14 décembre 20h30, c'est à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrais à Pontoise. Peut-être juste un mot concernant le travail du metteur en scène dans ce rapport entre l'acteur et le metteur en scène. Quels ont été pour vous, Sharif, les indications que le metteur en scène vous a données comme matériau aussi et à traduire, effectivement, parce que quand on se retrouve seul en scène, ça n'est pas forcément d'une grande facilité au théâtre aujourd'hui. C'était le travail avec Antoine était vraiment passionnant parce que je trouve qu'il avait une grande délicatesse et il parvient à placer l'acteur. Bon, là, me placer moi, c'est moi l'acteur du spectacle, mais je le sais pour l'avoir vu travailler avec d'autres acteurs il y a un moment, mais à placer l'acteur dans une situation où l'acteur peut déployer son jeu. Et il vous place à un endroit qui fait appel à l'essence même du jeu, c'est-à-dire on dit des enfants qui jouent aussi, c'est-à-dire que tout à coup le plateau devient une plaine de jeu, c'est-à-dire une plaine sur laquelle on peut jouer et en même temps une plaine, c'est-à-dire le monde. Donc il y avait une grande écoute, beaucoup de délicatesse. Et puis, c'est un endroit de travail où les deux rêves, le sien, le mien, puis probablement celui de Joyce aussi, le troisième rêve auquel on a accès que par le texte, mais les deux rêves peuvent grandir quoi, sur le plateau. Donc, c'était vraiment passionnant. Voilà. Antoine Cobès, juste rappeler, comme vous l'aviez déjà dit, mais pour ceux qui prennent l'émission en cours, ce n'est pas une simple histoire. C'est une histoire, pour le coup, on peut lui donner une dimension plutôt universelle quand on parle de l'épopée du genre humain, de ses origines jusqu'à nos jours, c'est ça ? Oui, même si on s'en rend pas compte, et puis ça n'a pas beaucoup d'importance. Sharif a raison d'insister sur l'aspect potache, immédiat, charnel. En l'écoutant là, je me rappelais cette anecdote où Nora, la femme de Joyce, disait, il écrivait dans son bureau l'après-midi à Paris, et elle disait que tous les après-midi, elle l'entendait éclater de rire toute l'après-midi. Et elle ouvrait la porte, elle disait, mais qu'est-ce qu'il dit ? J'écris. Et donc il s'amusait énormément. Très bien, parlons avec quelques mots pour indiquer à nos auditeurs qu'on va vous retrouver au cours de cette saison. Le principe d'un artiste en résidence, c'est qu'il lâche différentes rencontres avec le public d'ici, de Cergy-Pontoise et plus largement du Val d'Oise et du nord-ouest de Paris. Avec cette fois-ci, eh bien, vous allez nous donner à entendre et à voir l'univers de Gaetano Donizetti. Voilà, oui, il s'agit de Lucia di Lammermoor, donc de Donizetti, qu'on va monter avec le conservatoire régional. Et cette soliste, je crois qu'il y a une quarantaine de choristes. Voilà, on est en train de préparer tout ça. C'est une très belle œuvre, la musique est magnifique. Isabelle Philippe, qui va jouer le rôle de Lucia et que j'ai un peu rencontré, quelqu'un d'assez impressionnant, tout en étant extrêmement présente et fraîche et franche, c'est des acteurs comme je les aime. Et voilà, on va faire ça en effet au mois de mars. C'est une rencontre avec le bel canto, comme on peut l'imaginer, pour ceux qui n'ont jamais entendu encore, pour ceux qui vont découvrir le bel canto. Oui, c'est une œuvre romantique. C'est une œuvre romantique. Et c'est même l'œuvre romantique par excellence. Elle raconte la triste histoire de Lucia qui mourra de ne pas avoir pu épouser l'être qu'elle aimait, condamné par sa famille à épouser un qu'elle n'aimait pas, qu'elle finira par tuer. Et dans une scène assez magnifique et très célèbre, où elle est seule en scène pendant 20 minutes et elle déploie comme ça des arabesques vocales assez extraordinaires où elle devient folle et elle retrouve avant de mourir son amant de façon imaginaire avant que lui-même ne se suicide pour la rejoindre. Ça se déroulera et sur scène du 19 au 28 mars 2013. C'est l'occasion pour l'apostrophe aussi de travailler conjointement avec le conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise. C'est la sixième fois qu'un opéra sera monté ainsi conjointement. Et ce que dire de plus, c'est que aussi il y a un travail pas simplement sur scène avec des professionnels, mais c'est aussi, quand on parle de ce travail travaille avec le conservatoire à rayonnement régional, c'est aussi les étudiants, un certain nombre d'étudiants de ce même conservatoire qui vont participer activement, non seulement à la distribution, mais à ce travail scénique. Oui, non seulement l'orchestre lui-même est composé par des étudiants qui sont en fin d'études, mais les chœurs sont composés d'amateurs ou de futurs professionnels qui sont soit en études, soit qui font tout à fait autre chose dans la vie et qui se retrouvent là. Et moi j'aime beaucoup ça parce que c'est l'occasion de mêler des mondes différents, de faire se rencontrer des solistes professionnels avec des amateurs à part entière et des gens plus jeunes qui sont en train de se préparer à faire ce métier-là. Donc il y a une synergie comme ça de visions très diverses qui se mettent tout au service d'un opéra, de cette œuvre-là en l'occurrence. Et ça, c'est en soi une raison suffisante pour être assez excité par l'entreprise. Un petit mot quand même, quand je vous ai présenté comme artiste en résidence, en effet, c'est ce nouveau compagnonnage pour combien de temps avec l'apostrophe ? Je sais pas trop, trois ans, non, je crois. Trois ans, c'est ça. Trois années, en tout cas, de 2012 à 2015, on a confirmation, c'est bien cela. Alors que vous aviez un compagnonnage artistique les trois dernières années, du côté de la cartoucherie de Vincennes. C'est ça, au théâtre de l'Aquarium, à la cartoucherie de Vincennes, oui, qui va se terminer là. Il est temps pour vous et pour nous, eh bien, de partager avec les auditeurs un morceau choisi, une musique que vous êtes venu. Avec qui vous êtes venu ? Vous allez nous présenter, c'est Sharif en fait. Oui, c'est une chanson d'une jeune chanteuse anglaise qui s'appelle Daughter, que j'ai découvert au Festival des Inrock cette année. Et j'ai amené cette chanson parce que pour moi, il y a toute la mélancolie que peuvent amener les Anglais. À un moment donné, dans le texte de Joyce, il parle d'une jeune femme qui s'enfuit avec son histoire. Et voilà, en entendant cette chanson, je l'ai découverte à un concert à la Cigale au mois d'octobre. Je me suis dit, tiens, en fait, voilà, moi je suis reparti sur cette jeune femme du Finnegan's Wake. Voilà. C'est parti. Close my eyes, be blue. Prochainement, à l'affiche. Comme ça vient d'être indiqué à l'affiche, le scapulaire noir, on va parler de danse et l'occasion pour nous de recevoir autre invité ici en studio, c'est Raphaël Cottin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Nous allons parler de danse, évidemment, et tout particulièrement de ce travail, de cette création, le scapulaire noir. Pour nos auditeurs, indiquer que cela sera à l'affiche les mercredis 19 décembre à 20h30 et le jeudi 20 décembre à 19h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre, préfecture, j'ajoute, pour avoir un petit repère supplémentaire. Alors peut-être quelques mots pour présenter de manière générale votre travail, puisque vous n'en êtes pas à votre première création, et vous avez même créé votre compagnie, la compagnie RC2, Raphaël Cottin, j'imagine. Recherche chorégraphique. Ah, mieux en... avec beaucoup de pertinence. On a un 2 parce qu'on a un ego, donc on arrive à mêler ses initiales à ça, mais c'était avant tout recherche chorégraphique. Pour présenter mon travail d'une manière générale, c'est toujours un petit peu délicat de parler de ses propres démarches de création, mais je pense être quelqu'un de curieux, et en fait, dans les démarches de création et dans les projets que j'ai pu mener, j'ai l'impression d'aller dans des directions assez différentes en termes de sujets, par exemple. Les deux pièces, par exemple, qui ont été programmées cette année par l'apostrophe qu'on a pu voir, qui sont donc Le Scapulaire Noir la semaine prochaine et Cursus, qui est une autre pièce qui a tourné plusieurs fois à l'apostrophe, dans et hors les murs, sont deux propositions qui sont très différentes. La pièce dont on va parler est assez sérieuse, entre guillemets, l'autre est beaucoup plus légère, même plus mélangée en termes d'esthétique, avec des ingrédients de théâtre, avec des ingrédients d'improvisation qu'il n'y a pas du tout dans Le Scapulaire Noir, par exemple. Scapulaire noir, en effet, où il sera question d'une rencontre, d'une relation entre la danse et le sacré. Si on fait une présentation rapide, succincte, une pièce pour sept stations en sept parties, avec on aurait pu croire à la première lecture avec les sept péchés capitaux. Eh bien non. C'est plus le chiffre 7 dans le sacré peut avoir différentes définition, et là, en tout cas, c'est autour de cette douleur, signe de dévotion, ce qui vous a motivé. Oui, alors cette douleur, en fait, pour présenter le sujet de manière très simple, il s'agit d'une pièce courte, en sept parties, qui chacune va décliner une douleur de la Vierge Marie. Il se trouve qu'un jour, je suis tombé en faisant des recherches photographiques sur des vitraux d'une chapelle. Et ces vitraux représentaient Notre-Dame des Sept Douleurs. Je me suis dit, tiens, je ne sais pas du tout ce que c'est que ces sept douleurs de la Vierge. A priori, un sujet qui ne m'intéressait pas, mais qui m'a juste rendu curieux, comme je le disais tout à l'heure. Donc, j'ai été me renseigner pour voir ce que c'était que ces sept douleurs. Et ces sept douleurs, je les ai trouvées très intéressantes dans la façon dont elles envisageaient certains rapports entre l'homme et la femme, entre une mère et son enfant aussi, et donc que plus largement elles évoquaient en fait une métaphore des relations qu'on pouvait avoir en société. Et c'est ça qui m'a intéressé, d'avoir une déclinaison de rapports sociaux, familiaux parfois, et parfois plus largement. Le scapulaire noir, ça n'est pas juste comme ça sorti de votre esprit au niveau du titre, puisque ça correspond particulièrement, quand on parle de sacré, c'est un objet particulier. Oui, c'est un petit morceau d'étoffe bénite en fait qu'une congrégation religieuse américaine qui s'appelle les Syrites de Marie porte autour du cou en signe de dévotion à la Vierge Marie. Donc là aussi, c'est en cours de mes recherches que j'ai trouvé ce lien scapulaire qui, évidemment, pour moi danseur, me parle particulièrement. La ceinture scapulaire, c'est l'ensemble de la ceinture osseuse qui compose le haut du corps, avec toutes les articulations des épaules, des omoplates et tout ça. Donc je me dis, tiens, là, il y a quand même un ingrédient très corporel, très incarné, qui permet de mettre en relation une dimension spirituelle avec une dimension corporelle. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. On est bien dans l'idée d'un parcours, en passant d'une station à une autre, au nombre de 7 au total, la prophétie, la fuite, la disparition, la rencontre. Là, je vois que c'est une danse en hommage à Pina Bausch pour les amateurs de chorégraphie, mmh. Référence incontournable. Pourquoi cette référence et cet hommage? Bah, j'ai un ami qui a bien connu Pina Bausch quand elle était danseuse chez Paul Taylor il y a longtemps. Donc, et il me disait quand Pina arrivait dans le studio, à peu près une fois sur une, elle pleurait. Et chez Paul Taylor, on l'appelait la pleureuse. C'est quelqu'un qui a développé ce registre du pathos quand même énormément dans son œuvre, avec des situations de des situations particulièrement marquées, souvent dramatiques, et du coup cette figure de femme souffrante qu'elle a développée et déclinée dans beaucoup de créations, finalement c'est quelque chose qui, de mon point de vue, ressort énormément de sa figure à elle, la femme souffrante. Et pour le coup, de passer de Pina Bausch à la figure de la Pietà en danse, il n'y avait pas un grand écart à faire, sans mauvais jeu de mots. En effet, parmi les autres stations que je n'ai pas citées, en effet, il y a la Pietà, l'accueil, la contemplation et enfin l'abandon. Pour parler de ce travail chorégraphique, il nous faut aussi dire quelques mots pour la partition. C'est bien plus qu'une partition, il s'agit d'une création musicale de David-François Moreau. Oui, David est quelqu'un avec lequel je travaille depuis longtemps, qui crée des musiques donc pour ma compagnie depuis à peu près 5 ans, qui crée aussi des musiques pour un autre chorégraphe, Thomas Lebrun. Et la particularité de David, c'est qu'il l'a composé dans la première partie de sa carrière essentiellement pour le cinéma. Et donc c'est un compositeur qui a un rapport au temps et à l'image qui n'est pas le même que le mien. Donc finalement, le dialogue qu'on peut avoir ensemble quand je lui parle d'intention chorégraphique, lui va les transposer dans un autre langage. Et ce qui me plaisait d'une part, c'est d'abord de travailler avec quelqu'un que je connais et avec qui j'ai une relation de fidélité, ce que je trouve important dans le travail de collaboration artistique, et de deux, qui va venir par ses propositions musicales, qui va m'aider à déplacer mon propos. Et quand on est dérangé dans son propre propos, ça nous permet, je me rappelle d'une phrase que disait souvent Daniel Dobbels, qui est venu en création et en résidence à l'Apostrophe il y a quelques années, qui disait quand une œuvre qu'on est en train de faire, quand on a le sentiment qu'elle va regarder autre chose que ce qu'on imaginait pour elle, il y a quelque chose qui est gagné. Et donc, j'aimais bien gagner par les collaborateurs avec lesquels je travaille, bah, qu'ils me déplacent pour me permettre de porter mon regard un petit peu ailleurs que sur moi. Il y a suffisamment d'ego dans une création. Sur le plan musical, on pourra aussi, pour les amateurs, y reconnaître un extrait de la Passion selon Saint Jean de Bach, pour être tout à fait complet. Pourquoi avoir choisi ce passage ? D'abord parce que c'est une musique qui, je trouve, par son classicisme et par son côté grandiose et majestueux, vient apaiser certaines situations, et que l'extrait que j'ai choisi, qu'on entendra tout à l'heure, qui est l'air qui dit « Es ist vollbracht », qu'on a traduit en français par « Tout est accompli, tout est fait, tout est dit », vient comme clore une espèce de douleur qui dit « Maintenant, la douleur est passée ». Et ce qui m'intéresse évidemment, c'est de ne pas finir sur une note doloriste, mais sur une note apaisée, pour dire le deuil est derrière nous. Donc il y a quelque chose qui est inconnu mais qui est à venir. Cette proposition, cette création, le scapulaire noir, sera à l'affiche donc les mercredis 19 décembre à 20h30, jeudi 20 décembre à 19h30, à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, centre préfecture, avec, faut-il le préciser tout de même, une première partie, solo, masque rouge tiré de Quel est ce visage, une chorégraphie, ai-je lu, qui a été primée au concours international de Bagnolet, c'était à la fin des années 70. Alors c'est pas cette chorégraphie qui a été primée, mais c'est la chorégraphe en fait, Christine Gérard, qui avait été primée au concours de Bagnolet en 79, si ma mémoire est bonne, l'année de ma naissance, il n'y a aucun lien. Mais ce solo, en fait, je l'ai déjà créé il y a 11 ans, c'était en 2001, et je dois dire, il y a un double avantage dans cette pièce. Donc venez voir cette pièce, cette soirée composée de deux œuvres, ce solo, Quel est ce visage, et le scapulaire noir, parce que comme le scapulaire noir est une pièce courte, qui fait à peu près 35 minutes, ça a l'avantage de pouvoir être proposé avec une autre proposition. Donc quand, avec Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'Apostrophe, nous avons réfléchi à finalement la proposition artistique qui pouvait cohabiter avec une autre pièce courte, j'ai tout de suite pensé à ce solo, d'abord parce qu'il est accompagné de musique sacrée de Vivaldi et que du coup on avait un fil conducteur quelque part sur le plan musical sur de la musique sacrée, et que c'est une pièce de répertoire que j'ai dansée plusieurs fois, qui me replace dans un statut d'interprète et non pas de chorégraphe, et que du coup on peut avoir de ce point de vue là et de mon point de vue en tout cas quelque chose de plus équilibré. Avant d'entendre et de partager votre sélection musicale qui a un rapport, comme vous le disiez tout à l'heure, avec le scapulaire noir, je voudrais peut-être que vous nous disiez quelques mots concernant cette complicité déjà, ce qui existe entre vous et la scène nationale L'Apostrophe. Vous évoquiez tout à l'heure Cursus, une conférence dansée qui a été présentée à différentes occasions dans différentes villes. Quelques mots pour présenter cette conférence dansée. Cette conférence dansée Cursus, elle parle en fait, c'est un spectacle plus qu'une conférence, mais elle a comme sous-titre conférence dansée. C'est une proposition qui raconte un petit peu aux gens la vie du danseur. On avait Corinne et moi, puisque Corinne Lopez, qui partage la scène avec moi dans le scapulaire noir, est également à mes côtés dans Cursus. On avait envie d'échanger, de présenter aux gens un petit peu la vie qui pouvait être celle de saltimbanque que nous sommes, d'intermittents du spectacle, de gens en tournée, de gens au chômage, de gens qui ont des habitudes alimentaires particulières, etc. Tout ce qui compose un petit peu les coulisses de notre métier et qui souvent sont traités avec beaucoup d'idées reçues de la part des gens. Et du coup, on étale ces idées reçues, on les met sur la table un peu en vrac et on s'amuse un petit peu avec ça. Pour être complet, vous participez également à différentes actions culturelles organisées à l'initiative donc de L'Apostrophe depuis plusieurs années, notamment le rendez-vous annuel Melting Pot. Souvenir que vous en avez ? Souvenir que j'en ai, c'est un énorme moment de... c'est un gros maelstrom chorégraphique et théâtral, parce qu'en fait il y a plusieurs centaines d'élèves, de lycéens et parfois de collégiens je crois même, qui se retrouvent pendant 48 heures à L'Apostrophe, au Théâtre des Louvrets et dans des salles environnantes, et que du coup c'est un petit peu le moment dans l'année où L'Apostrophe, qui est quand même l'un des théâtres en Île-de-France qui propose le plus d'actions culturelles sur son territoire, donne un aspect visible de cet iceberg énorme, puisque quand on a énormément d'actions culturelles sur un territoire, il est difficile d'en avoir un aspect visible et concret pour les gens, et que Melting Pot, rassemblant en un seul endroit énormément de propositions géographiques et artistiques, puisqu'il y a des ateliers de danse et des ateliers théâtre qui sont menés conjointement, permet aussi aux directeurs d'établissement, aux familles, aux amis également de ces gens qui en profitent, de voir de quoi il est question et surtout d'amener les gens au théâtre, puisque le but d'une action culturelle, à mon sens, de mon point de vue d'artiste en tout cas, ce n'est pas de faire... De participer à l'éducation des jeunes comme on le fait à l'éducation nationale, c'est d'amener les gens dans les théâtres. Et leur curiosité développée avec ces actions leur permet à eux de trouver une autonomie dans leur place de spectateur ou d'acteur si c'est des gens qui vont pratiquer eux-mêmes une activité artistique. Très bien, Raphaël Cottin, vous allez attiser notre curiosité. J'espère. Nous présentant la musique extraite donc que vous avez choisie. Avec une magnifique soprano, je vous coupe parce que cette chanteuse est sublime, elle s'appelle Stéphanie Blight et c'est une très grande chanteuse d'opéra que j'estime beaucoup, qui mérite d'être écoutée. Téléchargez ça. C'est sur RGB, sur le 99.2 FM. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Dernière partie de cette émission pour évoquer des spectacles, du moins un spectacle à venir le 15 janvier prochain au Théâtre des Louvrets à Pontoise, toujours à l'apostrophe, vous l'avez compris. Et pour cela, nous accueillons au micro de RGB le directeur de l'apostrophe, Jean-Joël Le Chapelain. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer un spectacle, donc, disais-je, programmé sur scène le 15 janvier. Il s'agit de Masculine. Della Fatoumi et Eric Lamoureux, un spectacle chorégraphique. L'un et l'autre dirigent le Centre chorégraphique national de Caen Basse-Normandie. Et c'est un spectacle pour 7 danseurs et danseuses, ai-je lu. De quoi s'agit-il plus précisément ? Alors ça, c'est vraiment une question terrifiante à me poser, puisque le spectacle est en train de se construire, de se fabriquer au moment où l'on parle. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 7 danseuses aux dernières nouvelles, mais alors ça peut changer. Et bien c'est une exploration sur le masculin, précisément. D'ailleurs, l'affiche qui est sortie sur le spectacle est assez androgyne, puisque on voit là le visage d'une femme, mais qui pourrait être aussi un homme, enfin on ne sait pas trop. Et en tout cas, l'exploration de cette équipe est sur cette thématique. Alors, comme vous savez que les danseurs sont des gens un peu particuliers, les danseurs et les danseuses, et les chorégraphes en particulier, puisqu'ils ont cette particularité de d'écrire leur partition en même temps qu'ils travaillent, puisque ça n'est pas une partition écrite comme un texte que l'on pourrait interpréter, c'est bien une exploration dans l'espace, quelquefois avec texte d'ailleurs, quelquefois sans texte, quelquefois avec musique, quelquefois sans, qui est élaborée au fil des répétitions. Et c'est pourquoi d'ailleurs en général les répétitions de création des chorégraphes sont plus longues que celles des gens qui font du théâtre. Et donc c'est tout ce que je peux dire à l'instant où l'on parle, puisque je n'ai pas vu de répétition. Ils ont commencé il y a une dizaine de jours à Caen. Je les ai vus par contre il y a quelques jours, mais ils n'ont pas voulu nous dévoiler beaucoup de choses sur ce projet qui va trouver sa phase de création à Metz au tout début du mois de janvier, après donc 2 mois de répétition. Et donc le projet nous met dans l'attente d'une découverte absolument totale. Mais nous, on connaît bien cette équipe, c'est pourquoi on leur a fait confiance, d'ailleurs on continue de le faire, puisque c'est une équipe artistique qui a été invitée à plusieurs reprises à Cergy-Pontoise, avec toujours un bel accueil du public. Donc on espère que ce sera la même chose cette fois-ci. J'ai cru comprendre dans la démarche artistique donc de ce duo, c'est Ella Fatoumi et Eric Lamoureux, qu'il y a effectivement un travail déjà engagé depuis d'autres précédentes chorégraphies autour du statut du corps de la femme dans la société ou dans les sociétés musulmanes, et qu'ils poursuivent et retournent cette quête essentielle donc avec cette pièce qui s'intitule Masculine. L'occasion aussi de puiser leur inspiration en partant d'arabesques orientalistes d'Ingres pour se plonger et s'inspirer, mais aussi de la pensée d'une sociologue, écrivaine, féministe qui a pour nom Fatima Mernissi. Oui, enfin ça c'est le projet, la toile de fond, si on peut dire, de la recherche de cette équipe. En effet, Ella Fatoumi fait partie de ces Français qui ont une histoire de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'elle est née, elle, en Égypte, sauf erreur, et que donc en Tunisie, et que elle fait partie de cette génération qui a vécu en France après être née ailleurs dans les colonies françaises, n'est-ce pas, qui a connu cette vie occidentale et qui est frappée et marquée par tous les questionnements que l'on voit aujourd'hui dans les révolutions du printemps arabe et ses déroulements et ses développements plus exactement. Et donc la thématique de la place de la femme dans cette société la marque particulièrement. Je veux parler surtout d'Ella Fatoumi, puisque Eric Lamoureux, lui, n'a pas cette même histoire. Et comme ils viennent tous les deux d'une formation qui avait le corps comme objet, comme sujet, puisqu'ils ont fait tous les deux le CREPS, c'est-à-dire un centre régional d'éducation physique et sportive pour devenir des professeurs d'éducation physique, et que s'étant rencontrés là, ils ont bifurqué vers la création artistique. Et donc depuis toujours, la question est de la place de la femme dans la société est une question qui les taraude beaucoup, donc ils vont chercher en effet épuiser dans les réflexions philosophiques contemporaines et sociologiques contemporaines le complément à leur connaissance, comme a pu le faire Ella lorsqu'elle a fait un solo il y a quelque temps sur la place de la femme, notamment par rapport à la question du voile. Petit rappel, Masculine, c'est à l'affiche mardi 15 janvier à 20h30 à la scène L'Apostrophe, du moins la scène nationale, donc sur le Théâtre des Louvrés à Pontoise. Pour cette date du 15 janvier, on aura l'occasion de vous le rappeler également sur cette antenne de RGB à d'autres occasions d'ici là. Très vite, il nous faut annoncer le contenu de la prochaine émission du mois de janvier, qui sera en grande partie consacré à un festival qui est bien singulier. Il s'agit de Périphérique Art Mêlé, festival qui se déroulera sur le Val d'Oise du 22 janvier au 9 février. Peut-être dire quelques mots rapidement, monsieur le directeur de l'Apostrophe. Sur Périphérique, oui. Bien sûr que je peux dire quelques mots sur Périphérique. Ben, c'est le rendez-vous que nous avons avec Beson et avec le Théâtre Paul-Éluard de Beson et avec le service culturel de la ville de Gonesse. Et cet opus qui est le 9e tout de même, donc ça fait 9 ans que nous proposons un parcours dans des univers qui sont très singuliers, qui sont beaucoup numériques, mais pas seulement, puisque là on parcourt relations au sport. On en parlait il y a un instant pour Ella Fatoumi. Judith Depaule fait une exploration des corps au travers les corps traités par la femme pour des sports qui ne sont pas forcément des sports féminins, le rugby, l'haltère, le marteau. Des spectacles moins conventionnels. Moins conventionnels, enfin si on peut dire, mais surtout des interrogations des artistes qui sont transversaux, qui sont croisés, qui ne s'appuient pas forcément sur des textes. La présence pour la deuxième année d'Olivier de Sagazan, qui est un performeur absolument formidable. Donc je vous signale par ailleurs qu'il est présent dans un clip de Mylène Farmer dans son prochain opus qui s'appelle À l'ombre. Et donc on peut voir là-dedans les images que l'on a pu voir l'hiver dernier avec Olivier de Sagazan dans son rapport physique comme ça avec la terre, avec la peinture, avec la physicalité qui s'est imprimée. Et donc là, il est dans un nouvel opus qui est tout à fait différent, mais qui est tout aussi nerveux. Et puis à Gonesse, d'autres spectacles qui exploreront des univers un petit peu visuels, aussi comme ça et numériques, ou à Beson, où Andrea Citer fera un retour sur sa dernière création, ou Pierre Rigal qui montrera son spectacle sur le rock'n'roll. Voilà qui est dit. Rappelez-vous, Festival Périphérique Art Mêlé pour sa 9e édition. Ça se déroulera du 22 janvier au 9 février prochain. Réalisé, comme il vient d'être dit, avec le Théâtre Paul-Éluard de Beson, la ville de Gonesse, et bien évidemment, tout cela avec l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Pour avoir toute information, pour avoir en détail la programmation du reste de la saison, je vous renvoie vers le site internet de l'Apostrophe au www.l'apostrophe.net, l'apostrophe en un seul mot, .net. Et sinon, par téléphone, c'est toujours possible également au 01 34 20 14 14. 01 34 20 14 14. Remerciements non seulement à Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'Apostrophe, à Raphaël Cotin, chorégraphe et danseur, à Sharif Andouras et Antoine Cobet qui étaient nos invités pour cette émission que vous retrouverez sur l'antenne de RGB et sur le site internet à radio-rgb.net samedi de 9h à 10h, samedi 15 décembre. Bonsoir à tous. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise,